Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Émile Berliner et la naissance de l'industrie du disque. Donc, il invente le gramophone, il invente le disque et il va, pour tout ça, s'acoquiner à plein de monde et il va fonder toutes sortes de sociétés à travers le monde. Entre autres, c'est un de ses frères qui va fonder la prestigieuse Deutsche Grammophon. L'historien Daniel Turcotte à l'émission Montréal Express en juillet 2001. Daniel Turcotte qui rappelle dans cet extrait l'importance qu'a eu Émile Berliner dans la naissance de l'industrie du disque. Émile Berliner fait partie avec quelques autres, Bell, Marconi, Edison, de ces pionniers du son qui ont révolutionné nos vies avec leurs inventions. Et c'est cette guerre du son que vont se livrer ces pionniers qui va conduire Berliner à venir s'installer à Montréal au début du 20e siècle et à faire de la métropole québécoise à ce moment-là vraiment une plaque tournante de l'industrie du disque. Au clair de la lune, chanté par Monsieur et l'oiseau pour le gramophone Berliner. Au clair de la lune, je naquis un jour auprès de Bétune, dans un petit bourg. On trouve vos affaires au pied d'un sapin. Mon père et ma mère avaient repris le train. La chanson « Au clair de la lune » enregistrée par la Berliner Gramophone Company de Montréal en 1904. Émile Berliner invente le microphone, en tout cas l'améliore passablement. Il invente carrément le gramophone, il invente le disque plat, et il installe donc sa compagnie à Montréal dès 1900. Pour nous raconter l'histoire d'Émile Berliner, l'importance qu'il va aussi avoir et que ses installations auront à Montréal, je reçois l'auteur, compositeur et interprète Steve Normandin, qui est aussi un passionné de la chanson. Steve Normandin, bonjour. Oui, bonjour, Jacques. J'évoquais des noms qu'on connaît en ouverture d'émission. Bell, Marconi, Edison, ce sont de grands pionniers du son. Berliner en fait partie. Pourtant, il est un peu passé à l'oubli. Pourquoi? Ben, je pense qu'il n'était pas nécessairement aussi vedette que toutes les autres. En fait, le début du 20e siècle, c'est le moment où la science devient extrêmement importante au niveau médiatique. Donc, les scientifiques qui arrivent à développer des idées, des gens comme Einstein, c'est au début du 20e siècle qui vont aussi se faire leur marque. Et Berliner était un travailleur de fond. Je pense que tous les inventeurs l'étaient aussi. Mais c'était pas le type qui se la ramenait. Il faisait toujours en sorte qu'on parle de sa compagnie, qu'on parle de ses innovations. Mais il c'était jamais comme Edison, par exemple, quand il va électrifier la ville de New York. Toute la ville de New York va être placardée des visages d'Edison en disant « Voici le génie ». C'était quelqu'un aussi qui n'avait jamais appris, qui était, comme on dit en anglais, un « self-made man ». Il s'était fait lui-même. Donc, on était fiers qu'un Américain qui avait bossé comme un fou arrivait à électrifier toute une ville et à l'éclairer sans le soutien du gaz. Berliner, lui, il voulait être pratique, il voulait faire les choses bien, mais il n'était pas forcément à se la ramener tout le temps. Donc, c'est ce qui fait peut-être qu'il a beaucoup à amener des améliorations techniques, notamment dans le domaine d'enregistrement sonore, mais sans jamais faire d'éclat de tout ça. Quoi. Génie, mais moins génie du marketing que oui. D'autres l'ont été, disons ça comme ça. Un mot, puis tout au cours de l'émission, on va parler de l'importance de Berliner pour Montréal, mais en un mot déjà pour camper cette importance qu'il aura, de quelle manière il va être important pour Montréal? Ben, tout d'abord, en installant une compagnie qui proposait un marché neuf pour un objet, un média tout beau et tout neuf. Imaginez, c'est comme quand on a commencé à construire des technopoles autour d'Internet ou des jeux vidéo, en installant des buildings où des gens construisaient et pensaient ce qu'allait devenir l'image de demain. Eh bien, avec Berliner, en installant une compagnie de machines parlantes, eh bien, ça installait l'idée de modernité. Oui. Et à ce niveau-là, Berliner a été très prévoyant. On va le voir plus tard pour toutes sortes de raisons, il aurait pu rester aux États-Unis et faire fleurir ce potentiel-là. Mais comme il y avait des concurrents qui étaient extrêmement féroces, Edison en tête, pour lui, d'avoir un terrain qui était vierge et qui permettait quand même de garder la mainmise sur un marché nord-américain, pour lui, Montréal était une plateforme exceptionnelle. Oui, parce qu'il aura, puis effectivement, on y vient dans une minute ou deux, mais il n'aura pas vraiment le choix de quitter les États-Unis. Commençons peut-être par sa première grande invention. D'abord, rappelez qu'il est né en Allemagne en 1851. Oui. Il arrive aux États-Unis vers 1870, c'est la guerre en Allemagne à ce moment-là. Et son premier fait d'armes, c'est il le fait en collaboration un peu avec Bell, cet autre pionnier du son. Il va pour Bell. Est-ce qu'on peut dire inventer ou en tout cas perfectionner le microphone? En fait, Bell travaillait fort. L'invention du téléphone tel qu'on le conçoit chez Bell, c'est qu'il voulait en premier inventer une machine pour permettre l'amplification des sons pour que les personnes sourdes puissent entendre. Or, c'est le fait d'avoir un courant électrique, comme on utilise évidemment dans les micros aujourd'hui, il fallait trouver une façon que ce courant-là soit toujours bien soutenu et continu. Donc, Bell avait une équipe de gens autour de lui pour aider au développement du microphone et Berliner s'y est vite intéressé. En échange, je ne sais pas si c'est un partenariat, mais tout le monde connaissant tout le monde, les neveux de Bell plus tard vont développer des techniques parce qu'ils travaillaient avec leur oncle et ils vont développer des techniques pour faire en sorte de trouver des cires pour enregistrer le son, parce qu'à l'époque, on gravait directement les disques sur la cire et on essayait de trouver des cires qui étaient assez malléables mais qui pouvaient durcir rapidement pour pouvoir garder le son bien imprégné dans la cire. Et il se trouve que c'est un collaborateur de Bell et son neveu, Chichester, qui ont, dans le même plan que Berliner, fait avancer le son. Donc Berliner, quand il a eu connaissance de ces microphones-là, lui, il ne pensait pas l'appliquer nécessairement aux enregistrements. La première chose que Berliner va faire, c'est enregistrer du son, mais de façon acoustique, comme Edison le faisait, c'est-à-dire en parlant dans un pavillon. Ce n'est que beaucoup plus tard que ses idées pour le micro vont s'appliquer à l'enregistrement. Mais ça va prendre presque 50 ans, Max. Ouais. Et puis sa grande invention, puis on va directement arriver à cette collision qu'il aura avec Edison, c'est qu'en 1888, Berliner fait breveter l'invention du gramophone. Ah, oui. Ça, c'est... Et du disque plat, c'est un coup très, très dur pour Edison. Oui, c'est une révolution même, parce que le cylindre avait un avantage. Comme on pouvait trouver des cylindres vierges, on pouvait se les graver soi-même. Donc, c'était un peu l'avancée des gens qui pouvaient enregistrer par eux-mêmes. Donc, mais ce qui était spécial avec le disque chez Berliner, c'est que l'enregistrement que vous aviez fait une fois pouvait se reproduire à volonté. Oui. À partir du moment où on l'imprime comme une photocopieuse, si vous voulez, par un procédé de galvanoplastie très long à décrire ici, mais on reproduisait donc des milliers de copies de la même version d'un enregistrement. Et c'est ce qui était la force de chez Berliner. Oui. Et tout le monde a fait, ah oui, c'est facile à ranger un disque, c'est plat, ça prend beaucoup moins de place qu'un cylindre. On peut à volonté pouvoir écouter les gens qu'on aime, parce qu'il a créé, sans le vouloir, Berliner, l'aspect du végétariat, parce qu'il s'est dit, si chez Edison, vous pouvez enregistrer votre son et trouver des enregistrements qui peuvent vous plaire de chansons que vous connaissez, nous, comme vous ne pouvez pas enregistrer sur un disque, enfin pas encore, on va vous offrir le meilleur du monde artistique, tout ce que vous pouvez entendre. Et ils se sont ingéniés à trouver vraiment les plus grandes voix, les plus grands musiciens et à les faire enregistrer en disant, vous achetez un gramophone, vous achetez des disques, eh bien, soyez assurés d'écouter la meilleure musique au monde, on vous l'offre. Ce qui fait que c'est vraiment, pour Edison, un coup très, très dur. Il y aura des procès, ça s'en va, ça va virer en saga judiciaire, cette affaire-là. Oui, puis en plus, si vous permettez, ce qui est très particulier dans cette situation-là, c'est que ces procès-là visaient une seule chose, c'est d'avoir la mainmise sur les brevets. Oui. C'est-à-dire que Edison était très batailleur, mais il se trouve que pour faire développer le gramophone, Berliner s'était associé à des gens de diverses compagnies qui avaient aussi fondé des factions qui permettaient de vendre des gramophones un peu partout aux États-Unis. Et eux, voyant que ça marchait très bien, voulaient mettre la main là-dessus et ont fait en sorte de casser le moule en disant à Émile Berliner, le mot gramophone que vous avez déposé, vous n'avez plus le droit de l'utiliser aux États-Unis. C'est ce qui va faire qu'il va déménager au Canada pour avoir toute la liberté possible pour vendre ses appareils. Autant de Manon, de la Pagavelle. Tout était bien mieux qu'aujourd'hui, oui, doc. On pouvait friper un bout de dentelle sans que l'on criât à la garde pour ça. Et si par hasard... Le problème, c'est qu'à un moment donné, ses partenaires en affaires vont faire des procès contre lui. Il va être mis à l'extérieur des États-Unis. En fait, il n'aura plus le droit de produire de gramophones aux États-Unis. Et c'est ça qui va le pousser à venir s'établir à Montréal, où il va faire construire une industrie. Et à un moment donné, pour alimenter ses gramophones, il va faire construire un studio d'enregistrement qui sera probablement le premier au Canada. Autant de Manon, autant de la poudre, l'amour même était moins cher qu'à présent. Quand maître princesse avait le coup de poudre, c'était sans calcul et par pur sentiment. Autant de Manon, interprété par Hector Pellerin, c'est un disque de la Berlinaire Gramophone Company qu'on entend, enregistré en 1921. On entendait à nouveau l'historien Daniel Turcotte au micro de Franck Dessort au Montréal Express en 2001. Donc, on le disait, Steve Normandin, mais c'est vraiment, au fond, c'est par accident que Berlinaire atterrit à Montréal. Ah, tout à fait. Et c'est un accident qui va être heureux parce que, d'abord, arriver à Montréal, dans ces conditions-là, le terrain est vierge. C'est-à-dire que oui, il y a les premières machines parlantes qui circulent, mais il n'y a aucune structure qui fabrique des appareils, qui produit des disques. Tout est à faire. Alors, c'est le moment rêvé pour un inventeur, pour quelqu'un qui a le sens des affaires, de dire, OK, tout est à bâtir, de créer les contacts, les liens entre les différents marchands et tout ça. Et le 1er janvier 1900, avec le tournant du 20e siècle, soyons modernes, il ouvre une boutique à Montréal, rue Sainte-Catherine, et là, ça devient, pas pour ceux qui ont les moyens, évidemment, de se payer ces appareils, parce qu'ils sont quand même très chers, Berliner va mettre beaucoup de temps à comprendre qu'il y a moyen d'écouter de la musique et que tout le monde pourrait en bénéficier. Il se dit, bon, je fais des appareils qui sont quand même luxueux, alors on propose des trucs avec des pavillons énormes, comme il y avait à la Belle Époque aussi, avec des fleurs, des machins. Et donc, le succès réel de Berliner va être en fait un succès je dirais de bourgeoisie, parce que ces appareils-là sont vraiment très difficiles à se procurer, mais il réussit à établir tout son réseau grâce à sa succursale montréalaise. Oui, puis l'usine qui va suivre, qui va être une usine très, très moderne. Il faut dire qu'il a, petite parenthèse, mais il a déjà pas mal d'expérience. Comme homme d'affaires, c'est lui qui crée la Deutsche Grammophon. Il va créer, en fait, à Londres, à New York, en Allemagne pour la Deutsche Grammophon, mais des maisons, et très, très rapidement, là, avant même les studios de Montréal, des maisons qui vont devenir plus tard Sony, EMI. Bien sûr, les studios d'Abbey Road à Londres, par exemple, il le fera pas lui-même, mais il va mandater des jeunes pour ouvrir des studios et gérer les différents points, parce qu'il s'est dit, ce qui est important, c'est aussi de faire connaître la musique partout à travers le monde. Donc, vraiment, en Amérique du Sud, en Asie, partout où on peut avoir un marché potentiel, il va toujours envoyer Fred Gaisberg, qui était un jeune ingénieur, mais aussi extrêmement féru de musique, à aller prospecter pour trouver les vedettes locales et faire en sorte de diffuser les appareils. On entend, ce serait l'un des tout premiers disques, peut-être le premier disque Berliner, enregistrement qui a été fait à New York en 1895. La chanson que vous entendiez, c'est Sidewalks of New York, interprétée par George J. Gaskin. Ça commence quand et les enregistrements Berliner, et qui sont les premiers artistes qui sont enregistrés? En fait, on enregistre déjà de 1888 au moment de du brevet du gramophone. On commence à enregistrer, mais ce sont des chansons pour enfants. Ah bon? En anglais, on appellerait ça des nursery rhymes. Et comme le gramophone, au début, les gens ne conçoivent pas que cette machine parlante-là peut avoir une fonction artistique. On se dit, à la façon des poupées parlantes. On avait installé des machines à cylindres à l'intérieur des poupées chez Edison. Donc, on leur faisait dire papa, maman, j'ai faim, j'ai froid. Bon. Alors, le gramophone, lui, ça va être un appareil qui ressemble à un gramophone normal avec le pavillon. Mais les disques, eux, Ils sont très difficiles à trouver aujourd'hui puisqu'ils sont en chocolat. Ah bon? Oui. Littéralement. Incroyable. Littéralement. Donc, on les écoute et quand ils sont bien usés, on peut les manger. Donc, quand on mange la musique, c'est au sens premier dans ce cas-ci. Mais, et donc, pendant des années, les appareils vont être un peu défaillants parce qu'au lieu d'avoir un ressort comme on connaît les gramophones, mm-hmm. les premiers appareils sont mus avec une petite courroie. Or, les enfants qui sont toujours à tourner la manivelle, tout se brise et à un moment donné, Berliner dit « faudra passer à l'étape suivante, faire comme Edison et mécaniser l'appareil pour ouais. réguler la vitesse du disque ». En 1893 et 95, il y a des artistes de vaudeville et du théâtre allemand, parce que les disques étaient enregistrés en Allemagne, et qui vont se prêter au jeu, mais c'est des gens complètement oubliés aujourd'hui, hélas. Et déjà en 1902, le coup d'éclat, la première vraie vedette, en fait, c'est Enrico Caruso, le ténor. Quand Gainsbourg se rend à Milan, il pose la question à La Scala, qui fait sensation? Et on lui dit, il y a un jeune Napolitain, une grande voix et tout ça, il me semble que ça pourrait peut-être être intéressant. Et l'avantage d'une voix de ténor, c'est que dans les registres de l'enregistrement d'époque, la voix d'homme, et particulièrement celle de ténor, elle est magnifique et très facile à capter. Et c'est ce qui va faire le succès du chanteur. À Montréal, ça commence. Les premiers enregistrements à Berliner de Montréal? Les premiers enregistrements vers 1902-1903. Beaucoup d'artistes français qui font du théâtre et qui chantent de passage, on leur permet d'enregistrer. Souvent, ils ont dans leur poche des exemples à donner d'enregistrements qu'ils ont fait pour Pathé ou pour d'autres sociétés. Edison est aussi en Europe, donc ces gens-là viennent enregistrer chez Berliner. On entend, de la chanson traditionnelle, de la chansonnette française, mais peut-être que la vraie grande première vedette, c'est M. Joseph Saussier, qui est une belle voix de baryton, qui a donné des concerts partout à travers le monde et qui va enregistrer des mélodies classiques et qui va obtenir un grand succès ici. Vous savez quoi, Steve Normandin, c'est un petit peu arrangé avec le gars des vues. On l'écoute, Steve Normandin, à la Clairefontaine, un disque berlinaire de 1915. Je vous disais au tout début de l'émission que Steve Normandin est un vrai passionné de la chanson. À preuve, il n'est pas en chocolat, non. Vous avez ce disque-là chez vous. Oui, l'original avec une étiquette très particulière parce que ce qu'on appelle la voix de son maître, c'était le logo qu'avait choisi Émile Berliner pour l'entreprise d'après la peinture qu'avait fait le peintre britannique Francis Barrow. Mm-hmm. Donc, c'est évidemment le chien qui a la tête dans le gramophone avec la petite oreille qui lève. Et on avait fait un truc très spécial avec tous les prix que c'était mérité, les inventions berlinaires. On indiquait grand prix à l'exposition de Saint-Louis en 1906, à San Francisco et tout ça. Il y a les petites médailles tout autour sur l'étiquette. Berliner n'enregistre pas le père. Il n'y aura pas beaucoup d'enregistrements qui seront faits à Montréal. C'est le fils qui va, justement, là. Il y aura un trou entre 1903-4 et 1915-16. Oui, puis il y a une raison à ça. Ouais, c'est que le père Berliner est un peu départagé, lui, à gérer deux usines importante. Même s'il n'a plus la mainmise sur ses actions aux États-Unis, il y a quand même une usine qui roule et où il va jeter un œil. Et il fait l'aller-retour Montréal, États-Unis, en train pratiquement tous les mois. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que il est dans la tête, il a toujours la tête à ses inventions, à améliorer la reproduction du son sur les appareils. Et le côté artistique, ça le gêne un peu. C'est-à-dire qu'il a engagé des gens pour ça, mais des gens qui avaient les mêmes idées que lui. C'est-à-dire qu'en allemand qu'il était, et en bon européen, il savait faire de la musique. C'est un pianiste, il semblerait, Berliner. Mais c'est un musicien qui avait été élevé à la façon classique. Or, là, il y a tout un courant de musique populaire qui s'enregistre. Il y a plein d'autres compagnies qui arrivent, qui enregistrent des artistes de musique populaire. Et comme le fils Herbert Berliner, lui, qui est jeune, dynamique et qui voit qu'à Montréal, il y a des théâtres, il y a des cafés, il y a plein de gens qui pourraient enregistrer. Et le père fait, non, regarde, il y a des grandes vedettes. On enregistre les grands musiciens classiques. Ces matrices-là nous arrivent ici. Ça fait des bonnes ventes. Alors, il n'y a aucune raison qu'on se donne cette peine-là. Et il va y avoir vraiment un clash entre un des frères Berliner qui est plus du côté du paternel Et Herbert Berliner qui croit à son idée, et ça va tellement être conflictuel que Herbert va partir, va quitter toute l'équipe, et une partie de l'équipe du papa va se retrouver chez le fils pour fonder la première compagnie de disques indépendante que va devenir Compo. Alors, elle va être tellement importante qu'elle va faire de l'ombrage pendant un certain temps à toute la production des disques Victor qui vient des États-Unis, au grand détriment d'Émile Berliner, bien entendu. Il va mourir, Émile Berliner, à la fin des années 20, en 29. Oui. Évidemment, ces installations qui sont extraordinaires déjà et qui vont s'améliorer restent à Montréal. Puis il y aura, on fait vite parce que ce serait trop compliqué, mais il y a des transactions. En 24, la Berliner est vendue à Victor Talking Machine. Fusion en 29, ça devient RCA Victor. RCA, ça signifie Radio Corporation of America. Donc, ce qui a sauvé l'industrie du disque en fusionnant Victor et RCA, c'est l'avènement de la radio et surtout du cinéma parlant. Parce que ces disques-là, en étant diffusés en radio et en demandant le soutien des vedettes du cinéma parlant qui étaient là, comme les gens n'avaient pas d'argent au moment de la crise économique, ça permettait à la radio de diffuser quand même des enregistrements et de garder l'industrie du disque en place. Quelle importance va avoir, puis on termine l'émission là-dessus, Steve Normandin, mais cette usine, finalement, le leg de Berliner, qui va devenir les grosses installations d'RCA Victor, dans les années 40, ça devient très, très gros, dans Saint-Henri. Qu'est-ce qui reste de ça physiquement, mais plus que ça, surtout peut-être dans ce que ça a permis à Montréal d'être dans son développement dans l'industrie musicale et du disque? Bien, d'abord, ils se sont développé, la plupart des artistes ont développé une expertise au niveau sonore. Quand je parle des artistes, je parle de tous les ingénieurs qui ont fait avancer à la fois les techniques d'enregistrement, les supports, les différents vinyles qu'on a utilisés, beaucoup de matériaux. C'était les premiers à les sortir, c'était pas aux États-Unis, c'était à Montréal. C'était vraiment une plateforme d'essai. Et pendant de très nombreuses années, en plus de faire vivre l'industrie de la musique, c'était aussi le développement technologique de tout ce qu'on pouvait utiliser comme appareil qui reproduisait de la musique sur disque ou même sur ruban. Parce qu'on produisait des radios dans cette usine, on a produit des télés, on a produit... Puis plus tard, on va même aller jusqu'à produire des satellites. Ouais. C'est aller à la communication et faire la diffusion de la musique sur un plus grand réseau. Et là-dessus, Montréal a été une plateforme extraordinaire pour Berliner et pour ses successeurs. Et puis ça a laissé pour des artistes, puis on termine vraiment là-dessus, un studio, parce qu'en 42 déjà arrive un studio formidable de la RCA Victor, où vraiment les plus grands vont passer jusqu'à tout récemment. Là. Oui, bien sûr, jusqu'à Jean Leloup. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'on développait le studio aux États-Unis, à New York et à Montréal. Et encore une fois, c'était toujours Montréal qui était le point de lance. On voulait donner l'exemple. On disait, allez à Montréal pour voir ce qui se passait. Donc là-dessus, je crois que Berliner a fait un travail extraordinaire pour mettre Montréal sur la carte du son et de l'enregistrement sonore partout à travers la planète. Steve Normandin, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète, un petit peu passionné de chansons. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.